this great blessing that you have bestowed upon us. Father, we pray that your grace indeed will be sufficient for us. In spite of everything we are going through, Lord, we pray that your presence will never leave us. Holy Spirit, come, have your way, speak to our hearts, encourage us this evening. Thank you that you will never leave us nor forsake us. We bless you and we give you all the praise and all the glory. In Jesus' name, amen. You may be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. Well, I thank God for your lives. Rendez grâce à Dieu pour vos vies. Romans chapter 12, verse 1. Romains chapitre 12, verset 1. I know it's a scripture that we know, or if we don't know it, we should know it. C'est un verset que nous connaissons tous, et si nous ne le connaissons pas, nous devrions le connaître. Amen. Amen. If you want to be a Christian, a proper Christian. Si vous voulez être un bon chrétien. This is one of the verses that you should know. Ce verset est l'un des versets que vous devriez connaître. How many have never seen this verse before in their life? Combien d'entre vous n'avez jamais vu ce verset de toute leur vie? How many have never heard it before? Combien d'entre vous n'ont jamais entendu ce verset? Today we are going to look at it. Aujourd'hui, nous allons le regarder. It's one of the foundations. C'est l'un des fondements. Or one of the basics. L'une des bases. Amen. That we need to know as Christians. Que nous devons connaître en tant que chrétiens. Hallelujah. Hallelujah. And we'll read it together. Nous allons le lire ensemble. No matter the version you are reading from. Quelle que soit la version dans laquelle French, vous lisez. French, English, King James, New American. Just read. Lisez seulement, quelle que soit la version. All right. Shall we go verse 1 and 2? Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Amen. Amen. May the Lord add his blessings to the reading of his holy word. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Today the title of my message is I urge you, brethren. Le titre de mon message aujourd'hui c'est Je vous exhorte, frères. Amen. Amen. I urge you, brethren. Je vous exhorte, frère. This is Apostle Paul. C'est l'apôtre Paul. Writing to the Romans. Qui écrivait aux Romains. He is writing, the Bible says, to brethren. La Bible dit qu'il écrit aux frères. That means he is writing to people who have given their lives to Christ. Ce qui signifie qu'il a écrit aux personnes qui ont donné leur vie à Christ. Who have decided to follow Christ. Qui ont décidé de suivre Christ. Who have decided to be like Christ. Qui ont décidé d'être comme Christ. Amen. Amen. Who are like him. Qui sont comme lui. A brother is somebody who's like you. Un frère, c'est quelqu'un qui est comme toi. You share the same blood. Vous partagez le même sang. You are in the same family. Vous êtes dans la même famille. Amen. Amen. So he's writing to his brethren. Alors il écrit à ses frères. When you are talking to your brothers, it's different from when you are talking to a stranger. Quand vous parlez à vos frères, c'est différent de quand vous parlez à un étranger. Amen. Amen. He says, therefore. Il dit alors. I urge you. Je vous exhorte. Or the King James says, I beseech you. L'autre version dit la même chose en d'autres termes. Amen. Amen. And the word beseech. Et le mot exhorter. It's an old word for beg. I beg you. C'est un ancien terme pour je vous en supplie, je vous en prie. Amen. Amen. If you are saying to somebody, I beg you. Si vous dites à quelqu'un, je t'en prie. It means it's something that's very important to you. Ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment important pour toi. It's something that you need done. C'est quelque chose que vous voulez voir fait. But sometimes when you say I beg you, the person does not find it as important or as urgent. Quand vous dites je t'en supplie, la personne ne trouve pas la chose importante ou urgente. You can say, oh, I beg you, please take this to Lady Pastor for me. Vous pouvez dire, oh, je t'en prie, donne cette chose à Lady Pastor pour moi. It's for me, it's something important. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Hallelujah. Hallelujah. Am I on track? Est-ce que je It's something very important that I need you to consider. C'est quelque chose de très important que je veux que tu puisses considérer. I beseech you, I urge you, or I exhort you. Je t'exhorte. Amen. Je t'en prie. I was looking at different meanings of the word urge. J'ai regardé plusieurs significations du mot exhorter. I don't know if you have many words in French to explain it, but one of it is I encourage you. L'un des mots c'est je vous encourage, je t'encourage. Or I implore you. Ou je t'implore. Is a word. Or I make an appeal to you. Ou je te fais un appel. I une plead. Demande. I plead. It's also I beg. Je plaide. C'est aussi je prie. Je te prie. Amen. Amen. So Paul is saying I'm begging you. Dieu est en train de dire je vous en supplie. I am urging you. I am encouraging you. Je vous encourage. I am making an appeal to you. Je vous fais un appel. Amen. Amen. It's important for me. C'est important pour what moi. What I'm about to tell you. Ce que je suis sur le point de vous I dire. I want you to consider it. I want you to think about it. Je veux que vous puissiez considérer cela et y penser. Amen. Amen. Brethren. Mes frères. Somebody who's close to you. Quelqu'un qui est près de toi. Somebody who is important to you. Somebody who is dear to you. Quelqu'un qui est près de toi et cher, qui t'est cher. Hallelujah. Hallelujah. Says I urge you, brethren, by the mercies of God. Hey! Par les compassions de Dieu. By the mercies of God. Je vous exhorte par les compassions de you Dieu. You can just say, oh, I beg you, take this for me. Vous pouvez juste dire, oh, je t'en prie, emmène ça pour moi. But you can also say, oh, I beg you. Pas. Vous aussi dites je t'en supplie pas. With all that is in me, I beg you. Avec tout ce qui est en moi, je t'en prie. But here he's not even using what is in him. He's saying the mercies of God. Il n'utilise même pas ce qui est en lui, mais il dit les compassions how, de Dieu. How many would agree to me that it must be something important to Paul to invoke the mercies of God? Combien sont d'accord que c'est important pour Paul afin qu'il puisse invoquer les compassions de Dieu? God be merciful. Que Dieu soit miséricordieux. In this situation. Dans cette situation. To allow you to be able to do what I am about to say. Pour vous permettre de faire ce que je suis sur le point de dire. I urge you by the mercies. Je vous exhorte par les compassions. Of God. De Dieu. To do what? De faire quoi? To go and buy me house achomo. Pour m'acheter des croquettes. To what? I beg you, can you lend me money? Je t'en prie, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? I beg you, do something for me. Est-ce qu'il dit, je vous en prie, faites quelque chose pour moi? Why is Paul using all his emotion and his energy and his everything to beg you? Pourquoi est-ce que Paul utilise toute son énergie, toutes ses émotions pour vous supplier? Or to beg his brethren, ou pour supplier ses frères? To do something that is not for him. À faire quelque chose qui n'est pas pour lui. It's like telling your child, I beg you. C'est comme dire à ton fils, je t'en go prie. Go brush your teeth. Va brosser tes dents. The teeth are not in my mouth. Les dents ne sont pas dans ma bouche. They're in your mouth. Elles sont dans ta bouche. If you don't brush your teeth, it doesn't affect me in any way whatsoever. Si tu ne te brosses pas les dents, ça ne m'affecte d'aucune manière. But as parents, sometimes we beg our children. Mais en tant que parents, parfois nous supplions nos enfants. Please go and sleep, okay? S'il te plaît, va dormir, okay? Go and bath, okay? Va te laver, okay? If you go and bath, I'll give you something nice. Si tu vas prendre ta douche, je vais te donner quelque chose de bien. And you wonder. Et vous posez la question. The bath thing, is it for me or is it for you? Le bain, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi? But as parents, we want the best for our children. Mais en tant que parents, nous voulons le meilleur pour nos enfants. And sometimes we go to an extent of even looking foolish. Et nous allons même jusqu'au point de paraître insensés. To make them do what is good for them. Pour les emmener à faire quelque chose qui est bien pour eux. Amen. Amen. Paul is saying, I beg you, I urge you, I encourage you. I am appealing to you, brethren. Quand il dit, je vous en supplie, je vous prie, je vous lance un appel, mes frères. By the mercies of God. Par les compassions de Dieu. It means it's something very important that's about to happen. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important qui est sur le point d'arriver. And it's something that is beneficial not to him, Paul. et c'est quelque chose qui est utile, pas pour Paul. It's got nothing to do with Paul. Ça n'a rien à voir avec Paul. It's for you. C'est pour vous. For you, his brethren. C'est pour vous, ses frères. He says to present your bodies. De présenter vos corps. To present. Présenter. We're doing Bible studies. Is that okay? Nous faisons une étude biblique. To present. Présenter. What's another word for present? Un autre mot pour présenter. To give. Donner. To offer. Offrir. Isn't it? N'est-ce pas? You give. You present a prize. Present a gift. Vous présentez un prix. Vous présentez un cadeau. Isn't it? N'est-ce pas? So you are giving. Alors vous donnez. You are